Putain. Encore, il doit être en train d'enregistrer celui-là. Jamais réponse, B. Eh ben, ça lève le couze, bien ou quoi? Non, ça va pas, frère. Ça va pas. Eh ben, il se passe quoi là? Vas-y, dis-moi, gros, il se passe quoi? En ce moment, ça va pas fort, j'en ai marre de ces grosses merdes. Dès que je mets un pied dehors, j'ai l'impression qu'ils nous observent. Ils nous jugent sans nous connaître, j'aimerais bien te voir à ma place. Poto, avant de faire le show, regarde-toi dans la glace. J'ai beau tourner la page, c'est toujours la misère. Dans la rue, rien qu'on cavale, on se croirait dans Walking Dead. Les caméras surveillent nos moindres faits et gestes. On regarde de gauche à droite comme dans un match de Federer. Alors on se met au vert, on s'enferme, on fait pousser. C'était sur les nerfs, ça te ferait du bien de m'écouter. T'as une arme sous ton imper, depuis t'attires la jalousie. Mais elle arrivera par derrière, la mort est souvent anonyme. Du coup je suis parano, parfois je fais des trucs pas nets. Le coup se pose le placo et moi j'installe le Lumatech. Un fuck y'a plus de rap game, tes chanteurs c'est des comiques. Faire du son pour les enfants, ça les a rendus pédophiles. L'on s'en tape d'être émotif, on est venu pour foutre le sbeul. On y mettra tout le cœur qu'il faut pour faire bouger le peuple. Ils veulent nous contrôler, y'a pas 36 solutions. Dans la rue on est en mission, venu crier révolution. La liberté c'est mort, ils l'emprisonnent dans ce pays. Renseigne-toi sur ce qu'ils font, en gros, essaie d'ouvrir les yeux. Rappelle de toutes mes forces, c'est la seule chose qui nous délivre. N'oublie pas, on est ensemble, gros, malgré ce qu'on dit les bleus. Le coup, faut que tu te rappelles qu'ils font tout pour dominer. Écrire ça te fout la haine quand tu comprends ce qu'ils vont trimer. J'ai plus envie d'obtempérer, y'a longtemps que je suis déçu. Tu veux un résultat, mais viens compter toutes mes blessures. Combien partent en guerre sur des conflits qui comprennent pas? C'était un mouton dans ce système, quelque part t'es un esclave. J'écoute pas ces gens qui oublient, qui ont plus de mémoire. C'est un peu comme Ray Charles, ça fait longtemps que je peux plus les voir. Même s'ils m'enferment, ils peuvent pas m'empêcher d'être libre. La musique elle m'emmène, elle me fait voyager l'esprit. Descends d'un étage, crois pas que c'est évident d'avoir des récits pertinents, de pouvoir laisser un message. Pourquoi tu fais le Rambo? Tu veux te sentir supérieur? Ça sert à rien d'être costaud si t'es pas fort à l'intérieur. J'écoute plus les ordres et tous leurs plans vigipirates. Ils nous menacent en quelque sorte, on lâchera pas la liberté. On s'en tape d'être émotif, on est venu pour foutre le sbeul. On y mettra tout le cœur qu'il faut pour faire bouger le peuple. Ils veulent nous contrôler, y'a pas 36 solutions. Dans la rue on est en mission, venu crier révolution. La liberté c'est mort, ils l'emprisonnent dans ce pays. Renseigne-toi sur ce qu'ils font, en gros, essaie d'ouvrir les yeux. Rappelle de toutes mes forces, c'est la seule chose qui nous délivre. N'oublie pas, on est ensemble, gros, malgré ce qu'on dit les bleus. Tu me régales, l'oisif. Ouais. Ah ouais, tu fais ça proprement, c'est lourd. N'oublie pas, on est ensemble, malgré ce qu'on dit les bleus. Ah ouais, faut pas croire à tout ce qu'ils racontent. Bah non, les médias, les politiciens, tout ça là, les infos. Bref, nous on est le peuple, on parle de tout le monde. Et on lâchera pas, hein, l'oisif. Mais ouais frère, on lâchera rien. De toute façon, dans la rue, tout le monde se met à crier révolution. Des plus petits aux plus anciens, les hommes, les femmes, tout le monde en parle. Je crois que tout le monde attend là. Révolution. On avance, le combat est long. Éteignez vos écrans, allumez vos vies. 816, l'oisif, PLM. Révolution.